Chapitre 4. J'ai vu de mes yeux une Faëlle se faire attaquer par 3 soudarivres. Lorsqu'ils sont arrivés en courant, elle était assise, son arc posé près d'elle, son carquois dans le dos. Ils étaient à 4 mètres d'elle quand elle les a aperçus. Ils ont tous les 3 reçu une flèche entre les 2 yeux. Seigneur Sahil Muran, journal de bord. La portion du polymage sur laquelle ils s'engagèrent après avoir traversé le lac Chen n'était pas aussi large que sa partie méridionale, mais le fleuve compensait sa moindre taille par la violence accrue de ses eaux. L'effort nécessaire à la progression du bateau devint vite pénible, et le maître navigateur se ménage à des pauses plus fréquentes que personne ne songea à lui reprocher. Camille avait cessé de guetter les profondeurs. Sa rencontre avec la dame l'avait apaisée, sans qu'elle sache vraiment pourquoi. Et elle s'occupa à observer les rives, notant avec curiosité les transformations du paysage. Le pays devenait sauvage. Il se passait parfois de longues heures avant qu'elle n'aperçoive un signe d'activité humaine. Les voiliers étaient moins nombreux et ils ne croisèrent qu'un seul navire à aube. Ils avaient quitté le lac depuis 5 jours lorsque la Perle de Chen abandonna le milieu du fleuve pour se rapprocher de la rive ouest. Une petite ville, Arfag, se dressait là, blottie autour de son port. « Bon courage !» Ce furent les derniers mots prononcés par Iliam Polym avant qu'il ne regagne son navire. Dès qu'il avait appris que leur destination n'était pas Alchen, le maître navigateur n'avait plus paru croire à la profession qu'était censé exercer Duom Nilerg, ni au rôle que les uns et les autres avaient endossé. Cela n'avait pourtant rien changé à sa courtoisie distante, et après plus de 10 jours passés avec lui, Camille prit conscience que le marin en savait certainement plus sur eux qu'il ne le pensait. Le chariot débarqué, ils s'empressèrent de revêtir les vêtements chauds qu'ils avaient emportés. Camille s'enveloppa dans une longue cape de laine avec une épaisse capuche bordée de fourrure qu'elle rabattit sur ses cheveux. Un vent pointu sifflait sur les collines qui bordaient le fleuve et s'engouffrait dans les ruelles du port où la Perle de Chen était amarrée. Les chevaux, eux, ne paraissaient pas sentir le froid. Après des jours d'immobilité forcée, il piaffait d'impatience de se remettre en route. Camille flatta l'encolure d'aquarelle. « On y va, ma jolie !» murmura-t-elle à son oreille. Salim, en conducteur aguerri qu'il voulait paraître, vérifia avec attention l'attelage et les fers de cocotte et bourrichon. « C'est bon !» affirma-t-il à Chiam qui se retint de sourire. Edwin et Maniel revinrent avec les provisions achetées à Arfag et les chargèrent dans le chariot. « Avez-vous pensé à la Grèce ?» s'inquiéta Artis Valpierre. « Oui, » le rassura Edwin en lui montrant un gros pot de terre. « Nous ne mourrons pas couverts de gerçures. » Le rêveur sourit. Il s'était peu appelé au groupe. Et s'il évitait encore de coudoyer Elana, il se comportait désormais en compagnon ouvert et agréable. Il ne leur fallut que quelques minutes pour sortir de l'agglomération et ils se retrouvèrent au milieu de collines couvertes d'une maigre végétation. La seule piste partait vers l'ouest, en direction d'une cité lointaine, Alfar, et de rares chemins desservaient les fermes alentour. Edwin lança sa troupe droit au nord en suivant le cours du polymage. Il tint cette direction jusqu'en début d'après-midi, puis le relief s'accentua. À leur droite, les eaux du fleuve étaient devenues des rapides, et se fracassait sur les rochers en jaillissement sauvage. « Je comprends pourquoi nous n'avons pas continué avec le bateau !» s'exclama Salim. « Ça risque d'être difficile par ici aussi !» répliqua Maniel en désignant les collines qui, devant eux, perdaient leur courbe douce pour se durcir et s'élever. Edwin ne semblait pas s'inquiéter. Il connaissait la région. L'absence de piste ne le gênait pas. Il guida ses compagnons sans manifester la moindre hésitation. Lorsque la lumière du jour commença à faiblir, il dénicha comme par miracle une combe abritée du vent. « Nous camperons là » annonça-t-il. Chacun savait avec précision ce qu'il avait à faire, et les tentes basses, qui servaient pour la première fois, furent rapidement montées en cercle. « Les nuits sont glaciales dans cette région, » expliqua Edwin. « Le vent ne cesse presque jamais. » Il descend droit de la chaîne du pôle et les plateaux d'Astariul ne sont pas assez élevés pour l'arrêter. Il n'est pas rare de trouver du givre le matin, même en plein été. les chevaux avaient été entravés un peu à l'écart et Camille se dirigea vers Aquarelle pour la panser. Edwin la suivit. « Si tu veux, » proposa-t-il, « je vais te montrer un chardon qui pousse par ici. C'est l'allié idéal de celui qui désire étriller sa monture. »« Un chardon ?»« Oui, même le cavalier le plus consciencieux ne dispose pas toujours d'une brosse métallique. » Tout en devisant, ils s'éloignèrent du camp. Camille ne put s'empêcher de se demander si son père ressemblait à Edwin. Imaginer le maître d'armes buriner la berçant dans ses bras en s'extasiant devant ses babillements était difficile. Mais elle se souvint de la larme qui avait coulé sur sa joue lorsqu'il avait entendu sa mère. Et elle se ravisa. Elle se découvrit tout à coup très proche de lui. Impulsivement, elle lui saisit le bras. « Edwin !» commença-t-elle. Le tigre attaqua à cet instant. Haut de plus d'un mètre et long de trois, il bondit du rocher où il était tapis. Sa gueule énorme était garnie de crocs de 10 cm et chacune de ses pattes se terminait par des griffes aussi affûtées que des rasoirs. Une parfaite machine à tuer. En une fraction de seconde, Edwin comprit que la main de Camille sur son bras le gênait, qu'il ne tirerait pas son sabre à temps. Il plongea sur le côté en l'entraînant, tandis qu'une griffe du tigre fendait son manteau de cuir sur toute sa longueur. L'animal, furieux d'avoir raté son attaque, bondit à nouveau. Camille ne possédait pas la rapidité du maître d'armes, ni son habitude du combat. Lorsqu'ils roulèrent au sol, elle poussa un cri et se cramponna à lui. Ce geste irréfléchi fit perdre à Edwin la seconde qu'il lui aurait fallu pour saisir son arme. Il n'eut que le temps de la repousser et de mettre un genou à terre. Le tigre était sur lui. La masse de l'animal l'écrasa. Une patte énorme s'abattit sur son cou, puis tout se figea. Le hurlement de Camille se bloqua dans sa gorge, ses muscles se nouèrent comme isolés de sa volonté. Le tigre ne bougeait plus, pétrifié dans son assaut mortel. Sa gueule s'ouvrait à quelques centimètres de la gorge d'Edwin, ses yeux étincelaient de fureur. Un grognement sauvage montait de son poitrail. En vain, son incroyable puissance était paralysée. Coincé sous l'animal, Edwin remua légèrement, avec d'immenses difficultés, que la masse du tigre n'expliquait pas à elle seule. Puis Elana fut là. La marche sombre glissait sur le sol. Ses mouvements n'étaient qu'harmonie. Un son étrange, mi-chant, mi-sifflement sortait de ses lèvres. Camille se rappela la scène durant laquelle la jeune femme avait pétrifié l'assistance pour s'en prendre à Artis Valpierre. Son talent pouvait-il aller jusqu'à immobiliser un monstre d'une demi-tonne? Quand Elana posa la main sur sa tête, le félin géant s'ébroua doucement. Un long frémissement parcourut son échine. S'il retrouvait sa mobilité, c'était pour obéir aux ordres que lui chantait la marche sombre. Il retira sa patte du cou d'Edwin et fit deux pas en arrière, les doigts d'Elana plantés dans la fourrure de son crâne. Comme si elle tenait une laisse invisible, la jeune femme le guida une dizaine de mètres plus loin. Elle s'accroupit alors près de lui et lui parla à l'oreille, comme elle avait parlé au rêveur. Le tigre secoua sa grosse tête et grogna. Sans se démonter, Elana l'empoigna plus fort, continuant à déverser sa volonté sous la forme d'un murmure. Quand elle se redressa, le félin s'éloigna à pas mesurés, sans un regard en arrière. Les liens invisibles qui pétrifiaient Camille disparurent, et elle se releva. Edwin était déjà debout. Il passa la main sur son cou d'où coulait un peu de sang et attendit Elana qui revenait vers eux. « Plus que deux !» dit la jeune femme en souriant. « Ce tigre était inespéré. Je commençais à croire que tu ne serais jamais en danger. » Le maître d'armes prit une profonde inspiration, faillit parler, puis se ravisa. « J'ai eu très peur, » reprit Elana d'une voix si basse que Camille eut du mal à l'entendre. Elle posa la main sur l'épaule d'Edwin qui tendit le bras vers elle. Nul ne sait ce qui se serait passé alors s'il n'avait pris conscience de la présence de Camille. Celle-ci se sentit rougir. « Ne vous occupez pas de moi, » s'excusa-t-elle. « Je vais aider les autres à préparer le repas. » Elana éclata de rire. « Nous y allons tous, petite sœur, je meurs de faim. » Puis, elle recouvra son sérieux. « Un secret ne vaut que s'il est gardé, d'accord ?» Maîtrisé par son chant, l'un des plus dangereux prédateurs à la vie rien représentait un pouvoir énorme. Elana tenait à ce qu'il reste confidentiel. « J'ai déjà oublié, » promit Camille. Il ne s'était absenté que peu de temps. Edwin avait remonté le col de son manteau, et lorsqu'ils s'assirent autour du feu, Camille fut la seule à remarquer le regard pensif qu'il posait sur Elana. Le vent glacial écourta la soirée. La nuit venue, chacun fut heureux de s'abriter dans sa tente. Emmanuel, désigné pour prendre le premier tour de garde, contempla avec envie ses amis refermer la toile derrière eux. Camille s'enveloppa dans sa couverture en grelottant. Elle scruta Elana allongée près d'elle. « Dis, » commença-t-elle. « Tout à l'heure, » la jeune femme posa un doigt sur ses lèvres. « Chut !» murmura-t-elle. « N'oublie pas, tu as déjà oublié. » Camille sourit. Elle se réchauffait peu à peu et se sentait bien. « Merci !» souffla-t-elle. Elle ne s'endormit pas immédiatement. Bercée par le souffle régulier de sa compagne, elle laissa son esprit vagabonder au gré de ses souvenirs et de ses désirs. L'image de son frère resté à Paris s'imposa d'abord à elle. Elle regrettait de n'avoir pas eu le temps de mieux le connaître. Que faisait-il en ce moment précis? Avait-il réussi cet examen qui lui importait tant et qu'elle trouvait si insignifiant? Sa pensée dérivant ensuite vers sa famille d'adoption, elle frémit rétrospectivement à l'idée des années qu'elle avait failli passer avec eux, refusant d'envisager un éventuel retour. Puis ce furent ses parents. Ils étaient vivants, captifs quelque part. Une fois qu'elle aurait libéré les figés, elle n'aurait de cesse de les retrouver. Personne ne se mettrait en travers de sa route. C'est sur cette pensée réconfortante qu'elle ferma les yeux.